Espace 2. Nous allons évoquer aujourd'hui la naissance de deux cœurs à Genève. C'est vraiment une fête, même si l'autre cœur est dans un genre totalement différent. Le premier que nous abordons s'appelle Genève Baroque et c'est vous qui l'avez fondé, Julián Villaraga. C'est un cœur qui, comme son nom l'indique, je l'imagine, se consacre à la musique baroque. Mais c'est pas seulement un chœur, c'est un ensemble vocal et instrumental. Comment est née l'idée de former un chœur et un ensemble instrumental à Genève? Voilà, je suis avant tout un chef de chœur. Ma formation est des chefs de chœur proprement dit. Mais j'ai aussi une formation des oboïstes et des oboïstes baroques. J'ai vu que sur Genève, il y avait un peu un vide d'un ensemble qui soit à la fois vocal et instrumental pour cette musique qu'on appelle maintenant ancienne. Et il y a des groupes vocaux dans la région, il y a des orchestres dans la région. Mais en tout cas, à Genève, il y en avait plus. Et un ensemble qui soit à la fois vocal et instrumental, et on a voulu combler un petit peu ce vide. Vous avez voulu combler un vide que ressentaient aussi des musiciens, par exemple, formés au conservatoire, à section de musique ancienne, qui ont besoin aussi de travailler, ou c'est plutôt un public qui recherchait un ensemble j'aime de bien, ce type? J'aime bien votre question, monsieur Hamann, parce que c'est justement, j'avais l'idée à moi de former un ensemble professionnel, et c'est justement une organiste qui m'a donné l'impulsion de former Genève Baroque, une organiste qui m'a cherché pour me dire, Julián, il y a un manque de ça. Si tu veux, je vais t'aider volontiers à le faire, mais toi qui es chef de chœur et qui connais les chanteurs de la région, je te propose que tu conformes cet ensemble et je vais t'aider avec la partie instrumentale. Il s'agit donc d'Elena Doncel. Et c'est cet organiste-là qui m'a donné cette dernière impulsion dont j'avais peut-être besoin. Alors, je veux pas faire un répertoire de ce qui existe. Quand vous dites qu'il y avait un manque, moi je me dis, il y a Illy Angeli qui est à Genève, qui fait de la musique baroque, qui est un ensemble aussi instrumental et vocal, puisqu'ils, quand ils font des cantates, c'est sous le titre de Illy Angeli. Bon, c'est un ensemble qui se reconstitue chaque fois. Il y a d'autres ensembles qui ont ce profil, disons, plus ou moins professionnel. Genève est grand. Vous avez fait une étude de marché? Non, pas vraiment. Je suis très mauvais. Là, pour moi, c'était plus, disons, le coup de cœur dans le sens que, bon, même si j'aime beaucoup la musique des autres siècles, les 19e, 20e, 21e, j'aime beaucoup. Et j'essaye de faire aussi avec mes autres chœurs, mes chœurs amateurs. J'essaye d'exercer aussi les autres périodes de la musique. Mais j'ai quand même une partie importante de mon cœur dans la musique baroque. J'ai ma formation de boïste baroque. Et donc, c'était pas vraiment basé sur une étude des marchés. C'était plutôt ce coup de cœur. Un coup de cœur. Ouais. Oui, parce qu'en fait, bon, il y a un centre de musique ancienne à Genève et qui est réputé, peut-être pas au même niveau que la Schola Cantorum de Bâle, mais quand même, et la Schola Cantorum a aussi suscité une quantité assez impressionnante d'ensembles de différents types, même s'ils sont toujours quand même dédiés à la musique ancienne. Donc c'est tout à fait possible dans une ville comme Genève ou dans, on peut dire, dans le bassin alémanique. Bah justement, j'ai commencé mes études de musique ancienne à Genève. Je les ai continuées après à la Schola Cantorum à Bâle, justement. À Bâle, comme vous venez d'évoquer, j'ai vu une profusion d'ensembles qui se font, qui siègent à Bâle ou qui, après, ils déménagent parce que les musiciens de Bâle, comme on connaît, c'est très international. Après, donc, ils peuvent bouger. Il y a des fils, des enfants, disons, de ces groupes bâlois qui sont même outre-Atlantique actuellement. Donc, je me suis aussi fait la même réflexion dans le sens que, bon, peut-être que l'école, le centre de musique ancienne de Genève n'est pas aussi grand, aussi réputé que celui de Bâle. Mais si à Bâle, on peut faire conformer différents groupes de musique ancienne, pourquoi pas le faire aussi à Genève, où il y a donc cette centre de musique ancienne et il n'y a pourtant pas tellement d'ensembles nés à partir du centre de musique ancienne de Genève. Royan Villarraga, vous avez un nom à consonance hispanique, on va dire. Vous prononcez des mieux en mieux. On va pas en faire trop quand même, parce que ceux qui vous appellent Villarraga pourraient peut-être ne pas vous reconnaître, mais vous êtes d'origine colombienne, et on sait aussi la place des musiciens sud-américains à Genève. On pense à Gabriel Garrido aussi. J'imagine qu'il y a comme ça une diaspora aussi de musiciens que vous avez pu réunir autour de vous. Les gens me demandaient, maintenant plus tellement, mais ils me demandaient si j'étais arrivé à Genève par les billets de Gabriel Garrido, ce qui est totalement faux. Fort heureusement, j'ai pu être élève de Gabriel et puis j'ai même l'honneur de dire que je suis actuellement un ami à lui. Mais c'est pas du tout par ces billets-là que je suis arrivé et je ne me suis pas forcément branché aux amis latino-américains. Heureusement, j'ai des très bons amis, parmi ces amis, d'excellents musiciens. Disons que dans ma vie, à la Haute École de Musique de Genève, en tant qu'élève, en tant qu'assistant, en tant que secrétaire du département choral, etc., j'ai pu faire quand même un réseau assez important d'amis de toute origine. Et puis là, la preuve, c'est qu'à Genève Baroque, il y a des latinos, mais c'est pas parce qu'ils sont latinos qu'ils sont à Genève Baroque, c'est simplement parce que ce sont des bons chanteurs, des bons musiciens. On recevait la semaine passée Stephen Smith de l'ensemble Coruns, qui est aussi un chœur professionnel, je le répète, dans le sens que les gens sont payés pour ce qu'ils font, mais ils ne sont pas salariés. Ce serait difficilement concevable chez nous. C'est intéressant parce que, évidemment, quand on lance un projet comme celui-ci, il faut tout porter. Il faut porter l'aspect, disons, artistique et administratif. Vous êtes entouré? Et comme vous le savez, je dirige plusieurs chœurs amateurs. Chaque chœur amateur a son comité où je suis épaulé pour tout ce qui est administratif et je me charge de ce qui est musical. Quand je me suis mis, on va dire, dans cette histoire de créer Genève Baroque, et je n'étais pas du tout entouré. Et j'ai un ami qui est en train de beaucoup m'aider. Et il y a quelques personnes qui me donnent des petits coups de main, mais c'est surtout les soutiens de mon épouse, qui n'est pas seulement morale, mais aussi un ami qui est en train de m'aider beaucoup. Il est au chômage, il a un peu de temps et il est passionné de musique, donc il est en train de me donner un fort coup de main. Mais sinon, c'est moi qui ai tout fait pour l'instant et c'est vraiment, je dirais, une montagne. Je savais que c'était un travail énorme, mais peut-être j'avais pas imaginé l'ampleur de la chose. Est-ce que vous avez peur de votre audace? Un peu. Oui, parce que c'est quand même beaucoup, c'est chargé depuis les plus infimes aspects, hein, que ce soit le faire accorder l'orgue, les transports de l'instrument, les podiums, jusqu'à après des problèmes beaucoup plus importants et audacieux comme trouver de l'argent, faire la publicité. Comment est-ce que ça commence en fait? Bon, il y a l'idée que vous avez évoquée, celle de fonder un ensemble et un chœur. Et après, il faut faire un concert, et il faut trouver une salle, il faut éventuellement trouver des sponsors. Je dirais pas seulement éventuellement, il faut certainement trouver absolument des sponsors, ouais. Ou en tout cas des soutiens, peut-être des subventions. Comment est-ce qu'on procède? Dans quel ordre est-ce qu'on procède? Moi, la première chose que j'ai faite, c'était d'imaginer quelle musique j'avais envie de faire. Parce que j'imaginais que selon la musique, j'allais avoir besoin d'un certain ensemble ou un autre. Et selon l'ensemble que j'allais avoir besoin de plus ou moins d'argent pour payer tous ces musiciens. Et aussi, ça allait varier les choix d'un endroit où on allait faire les concerts. Donc pour moi, la première chose à décider, c'était le programme. Et une fois le programme décidé, donc j'ai visé, bien sûr, il fallait absolument faire un concert au minimum à Genève. Et puis je voulais aussi toucher à Lausanne, parce que j'ai aussi une bonne partie de ma vie professionnelle sur le canton de Vaud. Donc le choix des endroits est venu après, et puis le fait de conformer l'ensemble en soi. Et puis après tout ça, préparer donc des dossiers pour envoyer aux possibles sponsors, aux fondations, à la ville de Genève, etc. Comment réagissent les sponsors par rapport à la musique ancienne? C'est plus facile que de les intéresser à la musique contemporaine? Ça dépend. Les fondations ont toutes, chacune a un esprit un peu différent. Il y a des fondations qui s'intéressent plus à la musique ancienne et il y a des fondations qui s'intéressent plus aux nouvelles créations. Il y a des fondations qui s'intéressent spécifiquement à soutenir des nouveaux artistes, par exemple. Donc chaque fondation a un aspect tout à fait particulier. Pour la musique ancienne, il y a quelques fondations qui s'y intéressent, y compris évidemment des fondations qui s'intéressent à soutenir la musique tout court. C'est pas très facile, surtout pour un groupe qui est inconnu. Je ne bénéficie encore pas dans le monde des ensembles professionnels d'une réputation, disons, reconnue. Donc, c'est pas évident à se faire une place et à trouver de l'aide. Donc, on va bien répéter le nom, hein. C'est Genève Baroque. Genève écrit à la française. C'est pas Geneva Baroque, comme Geneva Camerata Geneva. Non, on est vraiment volontairement bien francophone. Absolument, oui. Il y aura donc un premier concert, qui sera donné à Genève et redonné à Lausanne. C'est important de le dire. D'autres lieux aussi? Non, et c'est juste pour corriger un petit peu, c'est à l'envers. Et on va commencer à Lausanne. Le concert sera tout d'abord donné le 3 octobre à l'église de Villamont à Lausanne, donc ce samedi-là à 20h, et il sera redonné à Genève le dimanche 4 octobre à 17h au temple de Saint-Gervais. Pour ce premier concert, vous avez choisi, peut-être, vous auriez pu choisir le Messie, non, vous avez choisi Chandos Anthems, c'est pas l'œuvre que l'on connaît le mieux. Il y a une petite part d'audace ou c'est encore une fois le coup de cœur? Avec Genève Baroque, ce que j'aimerais plutôt, c'est davantage, pas seulement, mais davantage, jouer des pièces qui sont pas très connues, en tout cas du public du bassin lémanique. Je devais commencer quand même avec un nom qui soit facilement reconnaissable par le public. Parce que si j'ai commencé avec une œuvre trop inconnue, peut-être j'aurais eu de la peine, ou j'aurais de la peine à attirer tout de suite du public. Et là, par contre, il y a eu aussi une petite pensée, si j'ose dire, commerciale. Dans le sens que quand je mets le nom Handel, les gens reconnaissent, puis ils sont attirés. Et la preuve, c'est que quand je parle maintenant avec mes amis non-musiciens notamment, quand je dis je vais faire un concert Handel, ah, Handel, c'est magnifique, les gens reconnaissent tout de suite. Et après, par rapport à certains sponsors, je pense qu'il y a des sponsors qui sont très connaisseurs, mais il y a d'autres peut-être qui sont moins connaisseurs au niveau musical. Donc c'est pour ça que j'ai préféré trouver un compositeur très connu, mais en même temps une musique pas très connue et pas très jouée. Là, c'était volontaire de chercher une musique pas très connue. Quelle est la forme de ces anthèmes, on va dire antiennes, mais c'est quand même le terme anglais, anthems. Ça se conçoit comment? Ça fait un programme à lui seul? Alors, chaque anthem fait une durée d'à peu près une vingtaine de minutes. Il y a des plus longues et des plus courtes. Mais c'est des pièces donc qui où se succèdent des parties solistiques avec des parties chorales. Il y a toujours une entrée orchestrale, donc qui est lui, Handel a appelé sonata. Donc il y a toujours une sonata, quasiment toujours dans 10 des 11 anthems, au chant des anthems, il a fait une entrée sonate avec deux parties, une partie lente, une partie rapide. Et après, donc, une succession des 6, 7 ou 8 numéros, comme je disais, entre les parties solistiques et les parties chorales. Donc, c'est un programme d'une heure et demie environ? Ça sera une bonne heure, j'espère, une bonne heure et un bonheur de musique. Julián Villaraga, c'est donc un concert inaugural que nous aurons l'occasion d'entendre donc par deux fois, le 3 et le 4 octobre. Le 3 octobre, ce sera à l'église de Villamont, à Lausanne, et puis à Genève, au temple Saint-Gervais, le lendemain, j'imagine, à 17h. Voilà, c'est ça. C'est l'heure habituelle. Déjà, des projets futurs, ou bien vous allez maintenant porter cet ensemble sur les fonts baptismaux et puis voir ce qui se passe, ce que ça donne? Alors, le but que je me suis fixé au début, c'était de faire l'intégrale des chants des anthems. Donc nous allons continuer, nous allons faire un cycle de 4 concerts, parce qu'ils sont 11, hein, les anthems que Handel a composés lors de son séjour là-bas à Canon avec James Bridge. C'était donc un cycle des 11 anthems. Donc on s'est fixé avec Genève Baroque, un premier but c'est de faire l'intégrale des chants des anthems, et ça va comprendre donc 4 concerts. Il y a déjà des perspectives de disques ou d'enregistrement? Pas tout de suite. Je pense que ça fait tout de suite envie, bien sûr, mais je pense qu'il faut aussi savoir être humble, puis se dire qu'il faut donner un pas après l'autre. De toute façon, il y a un site internet, c'est genèvebaroque.ch, sur lequel on peut même entendre quelques échantillons de ces anthems. Donc on pourra se faire une idée avant de se rendre soit à Lausanne le 3 octobre à 20h, église de Villamont, ou le 4 octobre le lendemain à Genève, au temple Saint-Gervais à 17h. Merci Julián.